se tient devant le peuple le jour d'un brio loin comme un seuil. Il rappelle les routes du désert, les peurs, les détours et les écueils. Vous aviez cru que l'ennemi était trop grand, que nos forces étaient trop faibles pour croire. Mais la promesse était déjà devant vous, quand la peur vous a fermé l'espoir. La peur fait reculer, la foi fait entrer.